pas. Voilà ce qu'on sait de plus clair au moment précis où nous parlons sur les malheureux événements du Rwanda-Urundi. 600 incendiaires ont été arrêtés depuis 3 jours dans la partie nord du Rwanda, qui est maintenant presque complètement la proie des flammes. C'est ce qu'annoncent les forces belges du Rwanda-Urundi. Des centaines de Watutsi, avec leurs femmes et leurs enfants, s'enfuient devant l'offensive générale des Bahutu, et certains d'entre eux ont même franchi la frontière de l'Ouganda. Et en revanche, des Watutsi sont passés de l'autre côté de la frontière du Rwanda-Urundi et ont massacré toute la famille d'un chef Bahutu. Les troupes belges sont sur place, on envoie encore des renforts, et il y a notamment là-bas des parachutistes belges. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Vous nous préciserez dans un instant, Eli Kiambokolo, pour quelles raisons nous disions l'actuel Rwanda. Mais dans l'immédiat, c'est à ces conflits ethniques que nous allons d'abord nous intéresser. Les années d'indépendance ont été des années de passion. Passion anti-impérialiste, anticolonialiste, nationaliste, mais aussi passion pour la politique intérieure. Dans certains pays, les partis politiques ont su mobiliser les peuples sur la base de thèmes essentiellement anticolonialistes. Dans d'autres, en revanche, la compétition entre les partis, les fièvres électorales, la lutte pour le pouvoir, les ambitions personnelles ont soit réveillé, soit suscité, soit aggravé ces tensions ethniques et ces graves conflits qui ont d'abord endeuillé le Congo-Brazzaville au début de l'année 1959. Ces conflits vont ensuite frapper le Rwanda-Urundi. Ce nom désignait ces deux pays, Rwanda-Urundi, qui étaient à l'époque des mandats sous tutelle, administrés par la Belgique, et qui n'obtiendront leur indépendance qu'en 1962. Et naturellement, ces conflits allaient mettre le feu dans l'ancien Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. Son mode de colonisation, en effet, son gigantisme, son positionnement au cœur de l'Afrique et son poids géopolitique, tout comme sa puissance économique réelle mais plus encore potentielle, la complexité et la violence de son histoire contemporaine, tout semble justifier que nous accordions une place à part à l'ex-Congo belge, à l'ex-Zaïre, à ce pays que l'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Nous sommes donc le 30 juin 1960, jour de l'indépendance de l'ancienne colonie belge. Ce jour même, Patrice Lumumba, chef du gouvernement, prend la parole à Léopoldville, la Kinshasa d'aujourd'hui, et prononce un discours qui, dans son ton et son contenu, contraste violemment avec ceux du chef de l'État Joseph Kasavubu et du roi des Belges, Baudouin Ier. Nous écoutons Patrice Lumumba.